On parle la même couleur, de la haine noire et les arabes, de la haine les jaunes et les beurs, de la haine. Je n'aime pas cette race impure, de la haine, de la haine. Pourquoi viennent-ils dans notre peine? Qui de la nuit terre d'exil? J'ai de la haine contre ces gens-là, de la haine qui ne t'en sent pas, toi ou moi. De la haine, de la haine, de la haine. Dis-moi pourquoi tu as du mal à voir les différences, à regarder les autres sans pitié, sans souffrance. Daltonien, dis-moi pourquoi tu penses que le noir est bad, que le blanc est bon, que le beurre est fade, malgré ce que les gens sont. Pinceau mélangé, la fourberie s'est allongée. Quand tu vois un étranger, tu vois un mal être engrangé. Tu regardes la couleur, ton peuple est dans la faute. Ce ne sont ni les noirs, ni les beurs qui te regardent la tête haute. Tu confonds les couleurs comme tu confonds les coutumes. Tu confonds ton mal-être et tu fais genre t'assumes. Mon daltonien est bien mal dans sa peau, retranché dans ses idées de couleur pure et de bonne gestapo. Borné dans ses idées, se borgne né à hésiter entre blanc noir comme une couleur pour adopter. Mon daltonien est le genre d'homme peu solidaire. Il sent son cœur qui se libère dans sa haine solitaire. Simplement, il veut être unique, schizo sur les bords et un peu lunatique. De la haine. Influencé de ses croix gammées collées sur son mur. Il a peur des autres, la hantise de l'homme. Des gens qui ne sont pas comme lui, il est pigmentophobe. Parmi de nombreuses maladies qui ne sont que mentales, il croit être un mec bien qui mérite un piédestal. C'est décidé, il va partir en guerre.